Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 habitudes que les milliardaires ont en commun. Qui n'a pas envie de devenir milliardaire? Fini les pâtes tous les soirs, fini de compter chaque centime dépensé, fini les mois de galère. C'est le rêve de tout un chacun. Ce n'est pas pour rien que nous sommes si nombreux à jouer au loto dans l'espoir de gagner le fameux million. Mais ce ne sont pas grâce au jeu que les plus grandes fortunes du monde ont gagné autant d'argent. C'est uniquement grâce à leur entreprise et leur manière de gérer leur portefeuille. Pour beaucoup, les milliardaires sont simplement les fils ou les filles de personnes déjà fortunées. Ils sont à la tête d'un paquet d'argent, simplement grâce aux fruits du travail de papa ou maman. Pour d'autres, l'argent amène l'argent. Ce sont des gens déjà fortunés qui ont pu investir au bon moment et gagner beaucoup d'argent. Même si c'est en partie vrai, il ne faut pas non plus oublier que tous les milliardaires ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Si les fortunes par héritage ne sont pas rares, les milliardaires partis de rien non plus. Ils sont nombreux à avoir mouillé la chemise pour parvenir à une telle réussite. Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg ne sont pas des enfants qui ont grandi dans une belle villa à Miami. Leurs parents étaient ingénieurs, dentistes, étudiants ou psychiatres. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, est l'une des plus grosses fortunes chinoises. Il était un modeste professeur d'anglais à ses débuts et c'est aujourd'hui l'un des plus grands marchands en ligne au monde. Alors, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres non? Comment se fait-il qu'une personne parvienne au sommet tandis que la grande majorité continue de galérer en bas? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour en finir avec les fins de mois difficiles et enfin vivre dans l'abondance financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Il n'y a pas de recette miracle et chaque personnalité est unique, singulière et extraordinaire. Cependant, si l'on peut noter des différences notables dans chacune des personnalités des milliardaires, on remarque aussi des similitudes dans leur état d'esprit et leurs habitudes. Si vous souhaitez troquer votre assiette de pâtes et votre soirée télé devant Netflix contre une villa avec vue sur mer, un cuistot qui cuisine pour vous et la sécurité financière qui va avec, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Les milliardaires ne sont pas des personnes ordinaires. Les milliardaires perçoivent et dépensent différemment leurs ressources financières, mais également leurs ressources cognitives. C'est là toute la différence. Ils prennent autant soin de leur portefeuille que de leur personne sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel et intellectuel. Selon une étude menée par Sarah Stanley Fallow, directrice de la recherche pour The Affluent Market Institute, les milliardaires ont des habitudes communes dans différents domaines. Elle est parvenue à analyser celles-ci à travers des centaines d'interviews et de témoignages. Après avoir tiré parti de ces différents éléments, elle a pu cerner les grands traits de personnalité communs aux milliardaires. Ce qui fait d'eux des personnalités étonnantes et extraordinaires, ce sont leurs occupations. Ils occupent leur esprit différemment des gens ordinaires. Effectivement, d'autres études le prouvent, les activités quotidiennes d'une personne influencent sa volonté, son bien-être, son potentiel cognitif et donc sa fortune. La manière dont vous percevez l'argent et le temps influe sur votre capacité à atteindre votre liberté financière. Si les milliardaires ont pu réussir à atteindre cet objectif, ce n'est pas seulement par la volonté seule, mais grâce à toutes les habitudes positives qu'ils ont su mettre en pratique. On retrouve des similitudes dans 5 grands domaines dont la lecture, le sport, les réseaux sociaux, le sommeil et enfin le travail. Faites de ces habitudes vos nouvelles habitudes. Elles n'entraîneront que du positif et potentiellement l'indépendance financière que vous recherchez. La lecture. Les milliardaires sont de grands lecteurs. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils nourrissent leur esprit avec des lectures diverses et variées. Cela passe tout d'abord par l'actualité avec des quotidiens, des journaux locaux, nationaux et mondiaux. Cela leur permet d'avoir des connaissances pointues sur ce qu'il se passe dans l'environnement proche et dans le monde. Pour avoir un coup d'avance sur les autres, percer et réussir, il faut avoir un minimum de cartes en main. Pour analyser le monde, il faut comprendre le système dans lequel on vit et s'informer en temps réel sur la manière dont il évolue. La lecture passe également par des documentaires ou des témoignages. Ce genre de livre permet de mieux comprendre la culture des autres pays, d'avoir l'esprit plus ouvert et plus critique. Enfin, les milliardaires aiment les grands classiques de la littérature, les grands écrivains qui ont marqué les esprits. Ils passent en moyenne 5h30 par semaine à lire. C'est bien au-dessus de la moyenne des gens ordinaires qui avoisinent les 2h par semaine environ. Mark Zuckerberg s'est lancé un défi en 2015, lire un livre toutes les 2 semaines. Ses lectures sont très variées, cela passe par la culture, l'histoire ou encore la technologie. Tous ces ouvrages lui permettent d'en apprendre plus sur le monde, d'ouvrir son esprit sur d'autres cultures, d'être en avance sur son temps et de maintenir son cerveau dans une forme olympique. La lecture a des effets très positifs sur les fonctions cognitives, notamment la mémoire. Vous développez votre expression orale, votre vocabulaire, vous vous formez à de nouvelles choses. La lecture contribue au développement personnel. Elle a un impact positif sur votre esprit et la façon dont vous appréhendez les événements. Elle améliore vos connaissances et plus vous avez de connaissances, mieux vous serez armé pour affronter de nouveaux défis. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. Certains ne peuvent plus se séparer de leurs écrans et passent plusieurs heures par jour sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Les réseaux apportent effectivement de nombreux avantages au quotidien. La rapidité d'information et la facilité de communication les ont rendus populaires, accessibles et pratiques. Ce sont des outils numériques indispensables au quotidien, des outils populaires couramment utilisés à des fins personnelles ou professionnelles. On passe plusieurs heures par jour sur nos écrans rien que pour cela. 5 minutes par 30 minutes par là, une petite heure avant d'aller dormir. Le temps moyen passé sur les réseaux est de 14 heures par semaine, soit plus de 5 ans de votre vie. Ça fait réfléchir. Le problème, c'est que si les réseaux apportent de nombreux avantages, ils ont aussi un impact néfaste sur notre cerveau. Le cerveau humain est complexe et contrôle un grand nombre de nos aptitudes. La marche, la parole, la compréhension, la mémoire, la réflexion ou encore l'attention et la capacité à s'adapter ou faire face aux difficultés. Les réseaux sociaux utilisent plusieurs zones de notre cerveau de manière simultanée. Aire préfrontale, aire visuelle, aire auditive, aire de Wernicke, aire de la mémoire à court terme, aire sensorielle, somesthétique, etc. Plusieurs études ont démontré que les personnes très actives sur les réseaux sont plus anxieuses. Elles deviennent dépendantes de leurs écrans et cherchent sans cesse l'avis des personnes qui postent et attendent l'approbation des autres en permanence. Cette anxiété accrue et cette sursollicitation des écrans entraînent des conséquences graves sur les facultés cognitives. Perte de mémoire, difficulté à lire, à réfléchir, manque d'attention, perte d'énergie et de volonté. Les grandes fortunes, elle ne comptabilise que 2h30 par semaine en moyenne sur les réseaux contre plus de 14 heures pour les gens ordinaires. Ils ont parfaitement conscience de l'impact néfaste des réseaux sur la santé mentale et physique. Les réseaux peuvent avoir un impact positif, mais si vous en abusez, ils sont énergivores et néfastes. Les milliardaires préfèrent dépenser leur énergie ailleurs. Ils éloignent les réseaux le plus possible la journée et s'en passent complètement le week-end. Ils préfèrent passer du temps à lire ou à faire de l'exercice afin de se maintenir en forme. L'exercice. Un esprit sain dans un corps sain, cela pourrait être la devise d'un milliardaire. Ils savent combien leur rôle dans l'entreprise est important. Ils ne peuvent pas se permettre de ne plus avoir la capacité de gérer leur business et ne souhaitent pas passer la main dans les mois ou années à venir. Ils entretiennent leur capacité cognitive, leur aptitude à gérer les événements et leur ouverture d'esprit, mais ils ont également conscience de l'importance de leur bien-être et de leur santé. Ils font de l'exercice quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine afin de garder la forme. Le sport est un excellent moyen de préserver sa jeunesse physique et de prévenir de nombreuses maladies comme les cancers et les maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Là encore, la différence entre les habitudes d'un millionnaire et d'une personne ordinaire est assez frappante. 6 heures par semaine au moins pour l'un contre moins de 2 heures pour l'autre. À titre d'exemple, Tim Cook, le PDG d'Apple, se lève aux aurores tous les jours pour commencer sa journée par de l'exercice. Quand vous pratiquez un sport, vous évacuez les tensions, le stress et toute charge mentale inutile. Vous êtes alors bien plus apte à faire face aux problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et à vous adapter à chaque situation. La pratique d'un sport fait partie des habitudes que les milliardaires s'imposent au quotidien. Ils ont conscience de l'impact positif de l'exercice sur leur corps et leurs facultés cognitives. Si les gens ordinaires passent plus de 14 heures devant les réseaux sociaux, les milliardaires, eux, troquent ce laps de temps à des fins plus utiles, la lecture et l'activité physique. Le sommeil. Au niveau du sommeil, là encore, les habitudes sont bien différentes des hommes et des femmes ordinaires. Si les données médicales et scientifiques préconisent de dormir 8 heures par jour pour être en forme, les milliardaires dorment généralement moins que cela, entre 3 et 6 heures maximum. Cette différence s'explique notamment par le travail. Les milliardaires travaillent 6 heures de plus en moyenne. L'amplitude d'une journée peut s'étendre de 16 à 21 heures pour les plus actifs. Pour réussir, il faut s'en donner les moyens et savoir mouiller la chemise. Travail, formation et argent, un modèle de pensée atypique. Les milliardaires ont une autre conception de l'argent et du travail. L'argent n'est pas un but mais un moyen. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Contrairement à ce que l'on peut croire, les milliardaires ne dépensent pas leur argent à tout va sans réfléchir. Leurs ressources financières sont aussi précieuses que leurs ressources cognitives ou physiques. Ils prennent autant soin d'eux que de leur portefeuille. Ils ont l'esprit plus ouvert et font face aux difficultés avec bien plus de pragmatisme que les gens ordinaires. Ils n'hésitent pas à prendre des risques mesurés pour avancer et faire évoluer leur entreprise. Grâce à leurs connaissances et leurs lectures, ils ont généralement un coup d'avance, ils anticipent les événements et agissent en conséquence. Enfin, ils prennent le temps de se former et de développer de nouvelles aptitudes. Le monde est en constante évolution, ils ne peuvent pas se permettre d'être dépassés par les événements. Les milliardaires se forment tout au long de leur vie, ils sont avides de nouvelles connaissances et nourrissent leurs besoins de performance. Le temps que les gens ordinaires passent à vouloir être comme les autres noyés dans la masse, les milliardaires quant à eux le passent à tracer leur propre route. Ce sont des libres penseurs. Or, la pensée influence l'action et chaque action a un impact puissant sur la vie. Les grandes fortunes sont des visionnaires et des passionnés. Ils dépensent leur temps et leur argent dans le seul but d'atteindre leur objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour avoir plus d'argent et de temps et en finir avec les problèmes financiers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.